On va parler de la Ligue de hockey junior régional. C'est le début en fin de semaine des séries dans la Ligue junior régionale et les Sabres de Roberval vont affronter la formation des Saguenay de Chicoutimi. On en parle avec l'instructeur-chef Danny Julien. Salut Danny. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Danny, écoute, d'abord, si on parle un peu de la saison, on va te commencer à parler un peu des séries. Comment ça a été? Comment ça s'est passé du côté des Sabres avec tout le confinement, le retour finalement? Le retour après ça, est-ce que du côté des sables, ça s'est bien passé quand même? Ben, je vous dirais qu'on a vu des belles choses. Ça a été quand même une saison en dents de scie, là. Que ce soit par le manque d'effectifs ou le Ouais. juste le fait de t'sais, le lockdown qu'on a eu là pendant pratiquement 2 mois. Ça, c'est de garder les gars t'sais, bien, bien mindés là-dessus. Ouais. Mais je pense que depuis le retour, là, on a vu des belles choses. Les gars sont. Ils embarquent, puis les gars sont prêts. T'sais, le mindset des séries est déjà là. On est allé Ouais. chercher 2 grosses victoires en fin de semaine passée, là, une contre Normandin puis une contre Jonquière qui sont premiers au classement général. Là. OK. Donc, dans l'année, comment ça a été de votre formation? Moins bien qu'on aurait souhaité, mais OK. souvent cette année, on a vraiment goûté là, à l'expression que. T'sais, souvent, on entend le puck roule pas pour nous autres. OK. Là. Manquer des chances. Puis les gars travaillaient super bien. Pendant toute l'année, les gars ont fait preuve d'une résilience et d'une force de caractère très, très, très solide. Puis je te dirais que depuis à peu près là, le retour, puis même un petit peu avant que le lockdown, là, ça a commencé à virer un peu pour nous autres. T'sais, les gars, la chance est revenue de notre bord un peu. Ouais. C'est juste en fin de semaine, là, tu sais, contre Normandin, qu'on a gagné 7-2. Pour gagner, ça prend des buts. On avait beaucoup d'occasions, mais on marquait pas nécessairement. Là, les gars sont capables de compléter, ça se concrétise, fait que ça nous donne un bon coup de main. Donc c'est quand même bien, là, veux dire, de rentrer en série avec un certain momentum, là. Bon, ouais, c'est ce qu'on espérait, là. Après le retour, nous autres, dans le fond, là, la saison a passé de 30 à 22 matchs. Ouais. Puis nous autres, il nous restait 4 matchs à jouer. Les 2 premiers matchs étaient des défaites, mais comme on avait comme rencontré des gars, qu'on a jasé avec eux pour dire que c'était un objectif de remise en forme. Ouais. On a un peu le temps de faire super les pratiques, ça a recommencé quand même rapidement. OK. Puis les 2 derniers matchs, ben, les gars ont vraiment, tu sais, jouer le livre, puis ils ont bien fait ça, là. OK. Si on parlait un peu de l'équipe, là, vous allez affronter les Saguenay de Chicoutimi. Quel genre de formation que c'est, les Sags? Ils ont une formation qui va ressembler quand même beaucoup à la nôtre. Ils OK. travaillent beaucoup. Mathieu Chamberlain puis Carl Pelletier ont fait vraiment une bonne job, je pense, en début de l'année pour mettre une équipe sur la glace. Je pense que c'est le dilemme que tout le monde a eu à jouer avec, mais les gars ont vraiment fait une bonne job. C'est sûr que ça va être une bonne série, ces 2 équipes qui sont travaillantes. Même les Sags sont allés chercher la victoire là, au tournoi junior d'Alma contre Jonquière. Fait que, t'sais, on sait que c'est une équipe qui peut la pression un peu, qui peut performer. Je pense que les gars, nous autres, ont le même mind aussi. Fait que ça peut être juste. D'après moi, ça va être un bon spectacle. OK. Du côté des Sabres, ben vous avez dit que vous êtes prêts, donc du côté de l'équipe dans l'ensemble, être en santé aussi, c'est important de rien blesser. Ouais, c'est ça, non, on est pas mal. Tous les gars sont en santé. OK. Tous mes joueurs vont être là aussi là, pour les séries. OK. Ben Danny, Donc c'est vraiment l'objectif. on va s'en reparler la semaine prochaine, si tu peux me parler un peu des séries, comment ça a été, et ainsi de suite. Ben oui, il n'y a pas de problème, ça va faire plaisir. Donc, l'instructeur des sabres de Roberval, Danny Julien.